السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من وصل رحمه أحبه أهله. Nous entrons dans un nouveau chapitre, toujours relatif au lien de parenté. Ce grand chapitre de la religion à laquelle notre législation nous encourage et nous rend même obligatoire. Dans ce chapitre, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala continue de nous énumérer des mérites du lien de parenté. Après avoir vu dans une leçon précédente que maintenir les liens de parenté prolongeait la vie, on voit ici, dans ce chapitre, quiconque maintient le lien de parenté, sa famille l'aimera. Dans une autre version, Allah l'aimera. Allah l'aimera. Dans une autre version, l'intitulé du chapitre est « Babu man wasala rahimah ahabbahu Allah ». Quiconque maintient le lien de parenté, Allah l'aimera. Et la version que nous avons ici, « Ahabbahu ahlu ». Sa famille l'aimera. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne donc ce grand bienfait qui découle de cette noble action. Et quelle que soit la version, les deux sont bonnes et véridiques. C'est-à-dire que celui qui lit les liens de parenté sera aimé d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui lit les liens de parenté sera aimé par ses proches. Il recevra leurs éloges, leur considération, leur respect et leur amour. Car ce sont les effets de la bonne action. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثار ماله وأحبه أهله. Selon Ibn Omar, radiallahu anhuma, quiconque craint son Seigneur et lit le lien de parenté, on lui prolonge sa vie, son terme. On l'enrichit et il sera aimé par sa famille. Et il sera aimé par sa famille. Ici, l'intitulé ou le hadith est clair quant à l'intitulé de ce chapitre. Maintenir les liens de parenté en craignant Allah subhanahu wa ta'ala apporte la longévité de la vie, la richesse et l'amour de ses proches, de sa famille. L'amour de ses proches et de sa famille. Et dans l'autre vers pour l'autre, pour ce qui est de l'autre version, Allah l'aimera. L'explication consiste à dire que l'amour des gens pour ce serviteur est en réalité un effet de l'amour d'Allah Azza wa Jal pour lui. En effet, vous connaissez tous le hadith. Lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur, il appelle Jibril. J'aime un tel, aime-le donc. Jibril l'aime alors. Se met alors à l'aimer et appelle les habitants des cieux. Allah aime un tel, aimez-le donc. Ils se mettent à l'aimer, puis on met son agrément sur la terre. Les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Donc si les gens l'aiment, c'est qu'Allah Azza wa Jal l'a aimé. Et à la fin de Sourate Maryam, Allah Azza wa Jal nous dit: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. Certes, ceux qui ont eu la foi et accompli de bonnes œuvres, Allah leur donnera l'affection. Allah les aimera et il sera aimé des serviteurs d'Allah Azzawajal. Il sera aimé des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lier les liens de parenté amène l'amour de ses proches sur ce serviteur. Le chapitre suivant, Babu birril aqrabi fal aqrab. Le chapitre suivant, la bonté de proche en proche, et du plus proche au moins proche. Dans ce chapitre, l'auteur veut nous montrer que les gens ne sont pas au même niveau dans l'obligation de lier les liens de parenté avec eux. Mais il y a différents degrés. Certains sont plus proches que d'autres. Par conséquent, certains sont plus éloignés que d'autres. Et ce que nous nous devons de faire, c'est accorder la plus grande place aux plus proches, la seconde au second, la troisième au troisième, et ne pas altérer selon les passions l'ordre voulu dans notre législation. On nous mentionne ici le hadith عن المقداد ابن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. Selon le Miqdad ibn Ma'di Karib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah vous recommande, ou Allah vous fait des recommandations à l'égard de vos mères. Allah vous fait des recommandations à l'égard de vos mères. Allah vous fait des recommandations à l'égard de vos pères. Et enfin, il vous recommande les personnes de proche en proche. Allah Azza wa Jal vous enjoint la bonté envers vos mères. Puis il vous enjoint la bonté envers vos mères. Puis il vous enjoint la bonté envers vos pères. Puis il vous enjoint la bonté du plus proche au plus proche. Du plus proche au plus proche. Vous remarquerez ici qu'on a recommandé la bienfaisance envers la mère, mais en plus de ça, on a réitéré cette recommandation. À deux reprises, la mère est mentionnée. Or, le père n'est mentionné qu'une seule fois. Or, le père n'est mentionné qu'une seule fois. Car la mère a un rang plus élevé que le rang du père. Non pas qu'il fasse diminuer, non pas que l'enfant se doit de diminuer le rang du père, non, mais d'élever, de surélever le rang de la mère. Il y a une grande différence entre penser que le père n'a pas sa place, ou ne pas immensifier le rang du père pour pouvoir immensifier le rang de la mère. Et le fait d'immensifier le rang du père, de le considérer de manière très grande, tout en surélevant le niveau et le rang de la mère. Et c'est ce qui est voulu dans notre législation. La mère, son rang est incommensurable. Il est grandiose, il est gigantesque. De par le bien et la bienfaisance qu'elle a avancée pour l'enfant lors de la grossesse, de l'accouchement, de l'allaitement, de son éducation et des peines indénombrables subies dans Mahada au service de cet enfant. Et ce qu'elle fait n'est comparable avec aucune autre personne. Puis, on a fait des recommandations en faveur du père, car après la mère, le rang le plus haut est celui du père. Après cela, et c'est la partie témoin, yani c'est la sagesse pour laquelle l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre, bil aqrab fal aqrab, de proche en proche. De proche en proche. Le chapitre suivant, Babu ithmi qati'ir rahim. Chapitre le péché de celui qui rompt le lien de parenté. Le péché de celui qui rompt le lien de parenté. Après nous avoir mentionné les textes relatifs au targhib, à l'encouragement vers la bonne action et lier les liens de parenté et ce qu'il y a à gagner à travers cela, il nous mentionne ici la partie de targhib. Il nous effraie de désobéir à Allah en rompant les liens de parenté. Ainsi, le serviteur est sur le juste milieu lorsqu'il étudie ce qui amène la crainte et ce qui amène l'espoir. Ce qui amène le désir, mais ce qui amène également l'effroi. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع الرحم. Selon Jubair ibn Mut'im, radiallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque rompt le lien de parenté n'entrera pas au paradis. Quiconque rompt le lien de parenté n'entrera pas au paradis. Il y a ici une terrible menace à annoncer pour toute personne qui rompt les liens qu'Allah Azza wa Jal a ordonné de lier. Et on nous expose ici la gravité de son péché et ce qu'Allah Azza wa Jal lui a préparé comme punition. Dans le cas où il rend licite la rupture des liens de parenté, alors il n'entrera jamais au paradis, car il a mécru. Et dans le cas où il rompt les liens de parenté tout en reconnaissant que c'est interdit, il commet un grand péché, un grave péché. S'il meurt sans s'être repenti de cela, il sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut il le châtie pour son péché, un temps déterminé. Puis il le sort de l'enfer de par son islam, de par sa foi, pour le mettre enfin au paradis. Car le paradis est la demeure des gens bons, des gens purs. Tibetum fadkhuluha khalidin, comme Allah nous dit dans le Coran. Donc on voit ici l'avertissement. Et cet avertissement face à la rupture des liens nous pousse à nous éloigner de ce péché gravissime. Le hadith suivant, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني يا رب يا رب فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la parenté est un lien issu du tout miséricordieux. Cette parenté a dit: ô Seigneur, on m'a opprimé. Ô Seigneur, on m'a rompu. Ô Seigneur, on m'a. Ô Seigneur, ô Seigneur. Allah lui répond: ne serais-tu pas satisfaite que je rompe avec celui qui rompt avec toi, et que je me lie avec celui qui crée un lien avec toi, ou qui lie le lien avec toi. Ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, mentionne ce grand hadith, où il y a un encouragement à une bonne œuvre, et un avertissement contre une mauvaise. Quant à l'encouragement, ne serais-tu pas satisfaite que je me lie avec celui qui lie le lien avec toi? Quant à l'avertissement, et c'est la sagesse pour laquelle l'auteur a mentionné ce hadith sous ce chapitre, ne serais-tu pas satisfaite que je rompe avec celui qui rompt le lien avec toi? Et lorsque les liens de parenté disent ici, après avoir mentionné « on m'a opprimé, on a coupé le lien, ô Seigneur, on m'a », c'est pour énumérer l'état d'injustice et d'outrepassement de limites qui lui ont été infligées et que la parenté a subi de la part des gens dans ce bas monde. Alors la parenté vient réclamer son droit ici. Et Allah Azza wa Jal lui dit: ala tardain an aqta'a man qata'ak. Ne serais-tu pas satisfaite que je rompe le lien avec celui qui a rompu avec toi? On voit ici la gravité du péché de rompre les liens de parenté. Et l'avertissement afin de ne pas recevoir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, An Saïd ibn Sam'an, قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. Selon نعم selon سعيد بن سمعان, أبو هريرة رضي الله عنه recherchait refuge auprès d'Allah contre la direction des affaires accordées ou attribuées aux jeunes gens et les sots, ceux qui sont idiots. Saïd a dit, Ibn al-Hassan al-Juhani m'a informé avoir dit à Abu Huraira: et quel est le signe de cela? Il répondit: la rupture des liens de parenté, l'obéissance à celui qui égare et la désobéissance à celui qui dirige vers la droiture. Cependant, cet ajout comporte une faiblesse. Ici, Abu Hurayra radiallahu anhu cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal afin de ne pas atteindre une époque où l'ordre est donné aux jeunes qui n'ont pas de recul et pas assez d'intelligence, qu'ils ont une imperfection dans le raisonnement, dans la compréhension des choses. Alors ils se précipitent et déclenchent des troubles et sèment le désordre, car ils ne sont pas aptes à diriger. Ils ne laissent pas leurs grands, leurs sages, ils ne laissent pas leurs pieux, leurs savants, le chapitre suivant باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. Le chapitre de celui qui rompt le lien de parenté en ce bas monde. Ou plutôt, chapitre, le châtiment, la punition de celui qui rompt le lien de parenté en ce bas monde. C'est-à-dire, en plus de ce qui l'attend dans l'au-delà, il lui a été apprêté une punition précipitée ou présente. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. Abu Bakr radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas de péché méritant plus rapidement qu'Allah punisse son auteur dans ce bas monde, en plus de ce qu'il lui prépare et lui garde dans l'au-delà, que la rupture du lien de parenté et l'injustice à l'égard des créatures. Je répète, il n'y a pas de péché dont l'auteur mérite plus qu'Allah lui hâte sa punition dans ce bas monde, en plus de ce qu'il lui réserve dans l'au-delà, que celui qui rompt les liens de parenté et opprime les gens. Donc, nul ne mérite de subir le châtiment plus rapidement dans ce bas monde que ces deux-là. On voit donc que rompre le lien de parenté, la rupture du lien de parenté, et le fait d'opprimer le serviteur ou la créature sont les deux péchés qui méritent le plus rapidement d'être punis dans ce bas monde par Allah Azza wa Jalla. Et comme Allah le dit dans le Coran, وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةً إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. C'est ainsi que ton Seigneur se saisit des gens, des cités, lorsqu'ils sont injustes. Et certes, cela est terrible et douloureux. Allah donne un répit aux injustes, mais il ne les délaisse pas. Son temps peut être long, mais il ne peut s'en sortir. Il se fait saisir brutalement et brusquement selon les injustices qu'il commettait auparavant. Le transgresseur, l'injuste, a fait goûter aux gens l'amertume de la vie. Et celui qui rompt les liens de parenté a fait goûter à sa famille l'amertume de cela. Ils ont donc mérité cette punition. Ce hadith nous avertit et nous décourage d'opprimer les serviteurs d'Allah Azza wa Jal et de rompre les liens de parenté. Le chapitre suivant, Babun laysa al-wasilu bil-mukafi. Le chapitre suivant, ne lie pas les liens de parenté, celui qui se contente de rendre le pareil à ses proches. Celui qui se contente de rendre pareillement à ses proches. C'est-à-dire lorsqu'ils lui font un bien, il leur fait un bien. Lorsqu'il lui donne un, il leur donne un. Lorsqu'il lui donne cinq, il leur donne cinq. Mais pas plus. On nous dit, celui qui fait ça ne fait pas partie de celui qui lie réellement les liens de parenté. Celui qui se comporte ainsi ne fait pas partie réellement, véritablement, pleinement de ceux qui ont complètement et parfaitement lié les liens de parenté. Celui qui se contente de retourner la bienfaisance à son proche et se contente de lui redonner exactement la même chose, c'est El-Mukafi. Qui est El-Mukafi? El-Mukafi est celui, si on lui fait un bien, il fait un bien, sinon il ne fait rien. Si son proche lit le lien, il lit le lien. Dans le cas contraire, il l'abandonne et s'en détourne. Il n'a aucune détermination, aucune motivation à lier les liens de parenté à la base avec lui. Mais lorsqu'on lui fait un bien, il se contente de retourner ce bien à la personne. S'il le visite une fois par mois, il le visitera à son tour une fois dans le mois. S'il lui fait un cadeau par an, à son tour, il lui fera un cadeau par an. S'il l'appelle une fois toutes les deux semaines, il l'appellera une fois toutes les deux semaines. S'il l'invite une fois tous les 10 jours, il l'invitera une fois tous les 10 jours, et ainsi de suite. S'il fait un cadeau pour son enfant, il fera à son tour un cadeau pour son enfant. Si on fait ses éloges, alors il fera les éloges. L'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous mentionne le hadith Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala laysa al-wasilu bil mukafi walakin al-wasil alladhi idha quti'at rahimuhu wasalaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, nous dit, n'a pas lié le lien de parenté celui qui ne donne que compensation. Mais plutôt, c'est celui qui, si on rompt le lien avec lui, le maintient quand même. Le prophète alayhi wa sallam nous dit, n'aura pas lié les liens de parenté celui qui se contente de dédommager celui qui lui fait le bien. Mais celui qui lie réellement et parfaitement le lien de parenté est celui qui, lorsque son proche coupe le lien avec lui, lui continue de le maintenir. et de faire les causes. Donc, qui est El-Wasil? Après avoir entendu que le prophète a dit « Ne fais pas partie de celui qui lit les liens de parenté. » Nous, on doit chercher qui donc alors fait partie de ceux qui lient les liens de parenté afin d'en faire partie. Quand on lit le hadith du prophète alayhi salat wa salam, lorsqu'on l'étudie, on doit chercher à le comprendre pour l'appliquer. C'est pour cela qu'on étudie, pour appliquer, pour se réformer, pour s'améliorer, pour transmettre. On ne va pas dire qu'on applique tout et qu'on est parfait. Mais on cherche à progresser, on cherche à avancer. N'écoute pas ceux qui te disent « Tu es mauvais, tu le resteras. » Ou « Tu ne changeras jamais. » Ou « Mais ça fait 10 fois que tu dis. » Ou « Mais... » Non. Toi, usduq ma'Allah, ne recherche pas l'agrément des gens. Sois véridique avec Allah. Et lis le hadith du prophète alayhi salat wa salam. Va chercher la science du hadith. Va chercher la compréhension du hadith. Demande à ceux qui savent. Étudie, note les informations, les explications. Puis, demande-toi à toi-même, sincèrement, avec véracité. Est-ce que j'applique le hadith? Est-ce que moi, je lis les liens de parenté? Ou est-ce que j'ai des lacunes, des défaillances qu'il me faut réformer, corriger, améliorer? C'est ainsi pour chaque chapitre de la religion qu'on doit agir. Et bien, bi'idhnillah ya azza wa jal, après un jour ou deux, après une semaine ou deux, après un mois ou deux, après une année ou deux, tu verras que ton comportement aura nettement changé, positivement bien sûr, et tu seras nettement élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras grandement avancé vers la demeure de l'au-delà, bi'idhnillah azza wa jal, avec la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant aux gens qui tentent de te décourager, en te disant, mais tu as un mauvais comportement, mais ceci, mais cela, tu ne dois pas pour autant rejeter leurs paroles. Tu ne dois pas pour autant les prendre pour ennemis. Celui qui pointe ton défaut, remercie-le et cherche en toi, avec l'œil de la véracité, tous tes défauts. Et remercie même ceux qui t'aident. Peut-être celui qui t'aide, il le fait par passion. Peut-être celui qui t'aide, il te déteste. Peut-être celui qui t'aide, il veut juste te répondre parce que tu l'as conseillé. Alors il est vexé, alors il cherche lui à son tour à te trouver des défauts. Na'am. Tout cela, mets-le de côté dans un premier temps et occupe-toi de toi. Réforme-toi, toi. On t'a pointé un défaut, cherche ce défaut, corrige ce défaut. Demande à Allah Azza wa Jal de te sauver de ce défaut. Et quoi de meilleur que d'étudier ce livre, puis d'invoquer Allah Azza wa Jal pour chaque qualité, afin qu'il te l'accorde. Pour chaque défaut, afin qu'il t'en soit, et t'en délivre et t'en préserve. Wa billahi at-tawfiq wa la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, quel est notre rôle dans ce hadith? Chercher à faire partie de ceux qui lient réellement, véritablement le lien de parenté. Tu veux faire partie de cela? Écoute le prophète alayhi salat wa salam. Il te dit walakin al-wasil, mais celui qui lit réellement les liens de parenté, celui qui, lorsque ses proches rompt les liens avec lui, lui continue de les maintenir. Ainsi, on comprend qu'il y a trois catégories de personnes dans les liens de parenté. Retenez et notez, il y a trois catégories de personnes dans ce chapitre. La première catégorie, El-Wasil, celui qui lit réellement les liens de parenté. Ce dernier, quelle est sa description? Ce dernier considère que de lier les liens de parenté, c'est une action qui le rapproche d'Allah, qui le propulse vers son Seigneur, qui l'élève dans son au-delà. Il considère que c'est la récompense d'Allah, son agrément, son amour. Voici sa base, voici son moteur dans le fait de lier les liens de parenté. Qu'est-ce qui le pousse? Qu'est-ce qui l'anime? Quelle est l'âme de son acte? Allah aime cette action. En faisant cela, je vais me rapprocher de mon Seigneur. Allah va m'aimer, va m'élever, va me pardonner, me préserver de l'enfer. Alors je vais lier le lien de parenté. Voici ce qui l'anime. Il ne déverse pas son... Yani, il ne regarde pas. Est-ce que il est bien, il n'est pas bien, est-ce qu'il m'a déjà fait du bien ou pas? Non. Mais est-ce que c'est une chose qu'Allah aime ou pas? Même la mauvaise personne, le fait de lier le lien de parenté avec elle, ça va atténuer son mal. Et ça va lui donner envie de suivre ton exemple. Ne regarde pas est-ce que lui me fait du bien ou pas. Non, fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sois pas à l'image de ceux qui te cherchent des excuses. Oui, mais tel jour il a fait ça, oui, mais il a parlé sur moi, et moi je lui ai toujours fait du bien, mais... Non, c'est des fausses excuses. C'est le diable qui te les énumère et te les dicte. Tu te défends, il cause du tort à ton âme, à ta personne. Soumets-toi au hadith du prophète alayhi salat wa salam et accepte cette éducation. Et sois fort et pas faible devant tes passions. La deuxième catégorie de personnes, c'est le mukafi. C'est celui qui se contente de la compensation. S'il me fait un bien, je lui fais un bien, sans rien ajouter. Et dans le cas contraire, je n'ai que faire de lui. Je m'en détourne. Non, ça c'est la deuxième catégorie, il ne faut pas chercher à y entrer. La troisième catégorie est la pire et la plus exécrable, c'est al-qati'. C'est celui qui a brisé, qui a rompu ce qu'Allah lui avait ordonné de lier. C'est celui qui a rompu les liens de parenté. Qu'on lui fasse du bien ou pas, il se détourne de sa famille et de ses proches. Qu'Allah Azza wa Jal nous joigne à la première catégorie, celle du wasil. Ainsi, on comprend que de lier les liens de parenté, c'est une grande porte de bien dans la législation musulmane. Le chapitre suivant Babu fadli man yasilu dhar rahimi dhalim. Chapitre, le mérite de celui qui lie le lien de parenté avec un proche injuste. Le mérite de celui qui lie le lien de parenté avec un proche injuste. Ceci est un niveau grandiose dans le chapitre de lier les liens de parenté. Ceci est un chapitre grandiose dans les portes du bien. Il donne tellement d'importance à ce rapprochement d'Allah. Il frappe tellement à toutes les portes du bien qu'il en arrive à retenir ce qu'il pourrait infliger à cet injuste. Il en arrive à retenir le suivi de ses passions en se détournant de cet injuste au point de lui faire du bien. Au point de lui faire du bien. Et qui aime faire du bien à ceux qui sont mauvais? Qui aime faire du bien à ceux qui oppriment, qui sèment le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal? Mais ce serviteur-là est tellement pieux, il recherche tellement à s'élever, que même celui qui est injuste, il lui fait du bien. Il lui fait du bien. Si il est à ce niveau-là, pour ceux qui sont injustes, que penser alors de son comportement envers ceux qui ne le sont pas? Lier les liens de parenté avec ce genre de personnes est très souvent une cause qui atténue leur mal. qui les retiennent d'opprimer certains serviteurs et qui peut même éteindre leur braise et leur flamme. Alors qu'en rompant le lien de parenté avec lui, il se peut que son feu soit plus ardent, sa destruction plus prononcée et plus allongée. En étant bienfaisant avec cette personne, tu entreras peut-être dans le verset « Idfa' billati hiya ahsan fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu hadhin 'azim. » Repousse par ce qu'il y a de meilleur. Et voici celui avec lequel il y avait de l'inimitié devient un ami chaleureux. Mais n'atteint ce rang-là que les endurants, que ceux qui ont une énorme part. Ça n'est pas facile de bien se comporter avec ceux qui te font du mal. Il se peut même que ceux qui sont autour de toi, tes amis ou ta famille, te taxent de faible, te taxent de couard, te taxent de poltron et j'en passe. Mais toi, tu sais et tu es sage. Et eux ne savent pas et n'ont pas atteint cette sagesse à travers la lecture du hadith du prophète alayhi salat wa salam. Et combien ont offert des cadeaux qui ont pu éteindre des grands mots. On a vu de grands fauteurs et semeurs de troubles suite aux visites reçues de leurs proches pieux, de leurs proches étudiants, diminués en injustice. Certains se sont repentis de la vente de stupéfiants, certains se sont repentis des agressions physiques et corporelles, certains se sont repentis des vols, certains se sont repentis d'eux et d'eux. Et ils ont mis leur force au service des faibles pour rétablir la justice, pour récupérer les droits qui avaient été spoliés et volés. Et ô combien ils sont nombreux. Ô combien ils sont nombreux. عن البراء رضي الله عنه قال جاء عربي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني أو يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك رقبة قال وأليست واحدا قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. البراء رضي الله عنه rapporte un bédouin vain et dit « Ô prophète d'Allah, enseigne-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis. » Il répondit « Si tu as certes écourté ton discours, tu as posé une énorme question. Si tu as certes écourté ton discours, tu as certes posé une question grandiose, très lourde, très grande. » J'ai ici pour traduction, si tu avais écourté ton discours, tu te serais écarté de l'affaire. Plutôt, si tu as certes écourté ton discours, ta demande est courte, mais la question est immense. C'est ça le sens. Allez, c'est une question résumée, mais ses sens sont très grands. Et là, on voit... Ou avant ça, lisons la traduction. Affranchis quelqu'un et libère un esclave, Ces deux choses ne sont-elles pas similaires? Demanda-t-il. On lui répondit non. Affranchir quelqu'un, c'est le libérer seul, par tes propres moyens. Alors que libérer, c'est aider à le délivrer. Ensuite, donne avec largesse. Donne avec largesse. On expliquera. Sois plein de sollicitude envers les gens de ta famille. Si tu ne peux accomplir cela, alors donne le convenable et interdis le blâmable. Et si aussi tu ne peux pas faire cela, alors retiens ta langue, excepté pour dire un bien. Excepté pour dire un bien. Ici, on voit le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, pour féliciter celui qui pose une bonne question. Les éducateurs, les parents, les enseignants voient ici la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Lorsque l'élève, lorsque l'enfant pose une question pertinente, une belle question, utile et bénéfique aux gens, souligne cette question, fais ses éloges, dis-lui, ah, c'est une bonne question ça. Question très pertinente. Barakallahu fik. Allah t'a accordé la réussite dans cette question. Naam. Tu attires l'attention sur sa question. Ainsi, tu motiveras les autres à choisir les meilleures questions. Et on voit aussi, concernant l'élève, que lorsqu'il ne comprend pas une chose, il pose la question. Il pose la question. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit « Wal manihatu ar-raghoub ». C'est-à-dire que tu mets au service des pauvres une vache laitière qui a beaucoup de lait pour qu'ils puissent en profiter. Dans une version « el-wakouf », c'est-à-dire « raziratul laban ». Et jadis, c'était une pratique connue. Mais nous qui ne sommes plus dans des zones rurales, on peinerait peut-être à voir cela. Mais c'était connu jusqu'à nos jours. C'est que les propriétaires permettent aux pauvres ou leur prêtent une femelle et ils peuvent traire de son lait, boire de son lait, utiliser la bête pour porter une âme, pour porter, pour travailler la terre et ainsi de suite. Un temps déterminé. À notre époque, rien ne t'empêche d'aller à l'épicier du coin et de lui dire quelles sont les familles les plus besogneuses du quartier. Et de lui dire, chaque jour désormais, tu leur offres de ma part un litre de lait. Chaque jour désormais, tu leur donnes ceci et cela. Non, tu mets à leur disposition du lait. C'est une des boissons les plus consommées au monde. Donc d'offrir du lait, c'est un grand bien. Ensuite, elle faille dans le hadith, ou elle faille ou ala dhir rahim. Le fait de dépenser pour les proches. Et le chapitre, c'est le proche injuste. Donc de dépenser pour les proches, entre dans les proches, le juste et l'injuste. Mais dans la version de l'imam Ahmed et l'imam Al-Hakim, il y a « Walfayu ala dhir rahim al-zalim ». Le fait de dépenser pour le proche injuste. C'est pour ça que l'imam Bukhari a mis ce hadith ici. Dépenser pour les proches, s'ils ne sont pas dans le besoin, c'est une énorme action recommandée. Et s'ils sont dans le besoin et que tu es capable de les entretenir, dans certains cas, c'est obligatoire pour toi de dépenser pour eux. Ça peut être ta sœur. Ça peut être ta sœur divorcée avec ses enfants. Ça peut être ta tante. Ça peut être ton petit frère, et ainsi de suite. Parmi les bonnes œuvres ensuite que nous cite le prophète alayhi salatu wassalam, en allant dans un ordre décroissant, c'est-à-dire si tu ne peux pas faire ceci, alors fais cela. Si tu n'en as pas la capacité, alors recommande le bien et interdis le blâmable. On comprend donc que de recommander le bien, d'encourager les gens à faire le bien, de blâmer le mal, sont des causes pour entrer au paradis. Allahu Akbar. Si tu n'en as pas la capacité, alors retiens ta langue. Retiens ta langue. Emprisonne-la. Tu as deux mâchoires. Tu as ta dentition. Tu as tes gencives. Tu as ta bouche. Tu as tes lèvres. Combien de couches se superposent et s'interposent entre ta langue et son expression? C'est pourtant le bout de chair qui ne cesse de s'exprimer. Ne nuis à personne avec ta langue. Et le prophète alayhi salatu wassalam disait, Men samata naja. Quiconque observe le silence obtiendra le salut, sera sauvé. Et comme le disaient les pieux prédécesseurs, il n'y a pas une chose qui a plus besoin d'être emprisonnée que ma langue. Et avant ça, le prophète alayhi salatu wassalam disait, et est-ce que les gens tomberont et culbuteront sur leur visage si ce n'est à cause des dégâts de leur langue? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans qu'il n'y ait deux scribes prêts à l'inscrire, qui le surveillent. Donc, cette langue, il faut la préserver. Retiens ta langue face à un mal, tu obtiendras le succès. Ou parle, mais dis que du bien. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Particulièrement lorsque tu es en colère ou que tu as un surplus d'émotions. Ne dis pas le mal, puis tu dis c'est mes émotions, ou j'étais en colère, ou, non. Le prophète sallam t'a éduqué, il t'a appris et enseigné. Ne dis pas une parole de laquelle tu devras t'excuser demain. Pour les meilleurs. Et ne dis pas oui, mais il m'a dit, oui, mais il m'a fait, non. Regarde entre toi et Allah Azza wa Jal, c'est avec Allah que tu te comportes. Médite. Donc, comment réussir à atteindre ce niveau? Certains ont grandi dans ça, ils ne contrôlent pas leur langue. Ils ont pris l'habitude, ils ont été éduqués dans ça, ils ont vu, ou ils ont vu leurs parents dans ça, ou leurs frères, ou leurs sœurs, ou leurs camarades dans ça. Donc, ils n'ont aucun contrôle sur leur langue. Ils n'ont aucun contrôle sur leur langue. Certains ne sont pas capables de retenir leur langue. Comment réussir? La solution, c'est de méditer avant de parler et de s'habituer à peu parler lorsque ça n'est pas nécessaire. Puis, pose-toi cette question. Cette parole, est-ce un bien ou un mal? Si tu arrives à un résultat, si c'est un mal, délaisse-la. Si c'est un bien, pose-toi une deuxième question. Est-ce que, en disant cette parole-là, découlera du bien ou du mal ou je ne sais pas. Si c'est du mal ou je ne sais pas, abstiens-toi. Si c'est du bien, prononce-la. Si c'est du bien, prononce-la. Tu te fais ce test pour chaque annonce, chaque parole, et petit à petit, tu vas diminuer. Certains parmi les pieux prédécesseurs, on pouvait énumérer, dénombrer leurs paroles parce qu'ils parlaient peu. Parce qu'ils parlaient peu. Les gens ont peur des silences désormais. Ils ont peur des silences. Donc, on fait attention à la tentation de la parole. Tout est consigné, tout est enregistré chez Allah Azza wa Jal. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Celui qui fait un bien, fût-ce le poids d'une petite fourmi, le verra. C'est-à-dire le jour dernier. Celui qui fait un mal, fût-ce le poids d'une petite fourmi, le verra. Le jour dernier. Dans tout cela, il y a une récompense. Dans tout cela, il y a une récompense. On s'arrête sur cela et on continue, inshallah ta'ala, dimanche. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.